y a des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des pompes, des Je chantais pour les sœurs et en latin pour les curés. Mais pour faire un chanteur de pommes, pour manger des tonnes de pommes, pommes, pommes, mais des tonnes de pommes de terre. Pour en faire une carrière. Il y a des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, il y a des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, il y a des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, il y a des pommes. Quand j'étais au classique, j'étais bien sûr inimitable. Nous avons monté sur les tables, on faisait des petites mimiques. Je me tapais sur les cuisses, caché derrière les coulisses. Je chantais comme Elvis, des chansons qui versaient des vices. Mais pour faire un chanteur de pommes, pour manger des tonnes de pommes, pommes, pommes, pommes, et des tonnes de pommes d'amour, pour chanter, pour prendre le tout. C'est le système qui nous consomme. Et le système, c'est une pomme, une pomme terre. Le verre, c'est moi, je consomme le cœur de la pomme. Oui, mais le verre, c'est un pomme, c'est un verre d'amour. Je suis une pomme, et un pomme d'amour. Consomme la pomme, mon système d'amour. Oui, mais du temps, lui-même système. Moi, mon système, c'est que tout le monde s'aime. Toutes les pépins, toutes les pommes, pour que toutes les hommes tombent comme des pommes, montent en amour et puis se statuent. Mangez-moi donc, mangez de l'amour, c'est bon tout le tour. Pour la santé de tout système, des pommes à l'amour. Des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes. Ah oui, mais le pommier a 6 milliards de pommes. Ah oui, mais le verger a 6 milliards de pommes. Autant de manières d'aimer que de manières de t'apprêter. Chaussons et sauce aux pommes, comme on fourrait pommes d'amour. Oui, moi je suis un chanteur de pommes. Oui, moi je suis un chanteur d'amour. Ce que j'aime le plus, c'est d'aimer le rire et cueillir les pommiers. Oui, le système va me récupérer, mais moi aussi, je vais tout le manger. Quand le système sera devenu à vous, la société des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes, des pommes